Chapitre 6e. Le carrosse de Monseigneur. Cet incident avait pas seulement surpris Gabriel et la comtesse. Il leur enlevait un aide précieux, le temps et l'heure menaçaient. La comtesse était inquiète du duc. Gabriel ne l'était pas moins de Charny. La jeune fille commençait, il est vrai, à ne plus avoir si peur de Concha et de cet amour. Il n'existait que dans la tête du chevalier. La comtesse ne semblait partager en rien ses folles idées. Mais la belle enfant connaissait Charny, et l'irrésistible empire de beauté que possédait Concha l'épouvantait. Il lui semblait, hélas, impossible que Charny n'en devînt pas fou. Toute femme qu'elle était, Suzanne se voyait forcée de rendre justice à l'attrait souverain de sa rivale. Agitée de sentiments si divers, toutes deux demeuraient à la place d'où l'on venait d'enlever le capitaine, toutes deux espérant que ce duel n'aurait pas lieu, lorsque la porte du jardin s'ouvrit et donna passage à un page du duc de Medinaceli, accourant vers la comtesse avec précipitation. Il venait lui annoncer l'arrivée du roi à Saint-Jean-de-Luz, où la cour devait assister le lendemain à la fête-dieu. Le père du duc suivait Philippe IV et venait d'envoyer quérir Don Gaspard son fils en toute hâte. À ces nouvelles, le page ajouta un billet tracé à la hâte par Médina. Il prévenait la comtesse de Liège de son très proche départ. Sa plus grande crainte était de ne pouvoir la rejoindre, car aussitôt après la procession, son père devait l'emmener à Fontarabie pour affaire. Un express, envoyé de sa part au chevalier de Charny, était chargé de l'instruire du motif impérieux de son absence. Le duc finissait en recommandant à Concha la plus grande réserve pendant le temps qu'il passerait près de son père, dont il craignait avant tout d'irriter les ressentiments, le sachant opposé à la liaison qu'il avait formée. Il avouait à Concha le projet de se battre contre un rival et de se battre pour elle. Trop heureux, ajoutait-il, de vaincre ainsi ses rigueurs, car, depuis 6 mois, il assiégeait une place plus rebelle 1000 fois que toutes celles qu'avait forcées le duc de Lerme. À cette lettre était jointe une cassette renfermant un diamant de la plus belle eau, et tel qu'on eût pu l'offrir à l'infante même, des gants, des miroirs et des parfums. La comtesse venait à peine de prendre connaissance de l'écrit et du coffret, qu'on entendit dans la rue un bruit de chevaux extraordinaire. C'était le cortège du roi, précédé du carrosse de l'évêque de Pampelune, qui devait célébrer l'office du lendemain. Cette venue subite attirait dans cet endroit de la ville une grande multitude. Tous les habitants étaient sur pied. La comtesse prit le bras de Gabriel et, s'appuyant sur le balcon de fer qui servait d'entrée à l'église, regarda cette entrée si matinale. Philippe IV allait visiter alors la paroisse de Saint-Jean-de-Luz. Il voulait s'assurer par lui-même de l'emplacement où il comptait mettre ses troupes le jour de l'entrée. Plusieurs grands d'Espagne, entre lesquels le marquis de Liège, fils de Don Luis de Haro et cousin de la belle Concha, l'accompagnaient. Différents bruits circulaient déjà parmi la foule. On se disait à l'oreille que le mariage de l'infante pourrait se rompre. À côté du marquis de Liège, que la comtesse reconnut des premiers, figurait le duc de Medinaceli, lequel n'avait certes pas besoin des 18 000 francs que le roi d'Espagne avait donnés à tous les grands qui l'avaient suivi, car il n'avait pas moins de 100 cavaliers à sa suite et faisait porter par rodomontade à ses laquais autant d'or et d'argent que les seigneurs les plus riches de France pouvaient emporter. À peine la comtesse venait-elle de jeter les yeux sur un homme d'aussi grande mine qu'elle réprima un cri étouffé en reconnaissant Don Gaspard, le fils du duc, sur un magnifique cheval barbe. Don Gaspard la vit aussi, et sans l'étiquette du cortège, il eut piqué les deux vers le balcon de fer. Mais le comte de Saint-Aignan lui parlait alors et prenait à tâche de se montrer en courrier près de Don Gaspard. Après avoir mis son plus éclatant habit pour faire honneur au roi, son maître, c'était ce même duc qui disait, en parlant des messages que lui donnait Louis XIV près de l'infante, « Il faut garder et conserver la broderie pour les amours ordinaires, mais pour les amours d'un roi, il faut la crotter. » Pendant que, sous diverses portes, dont les marches étaient couronnées de monde, on offrait des boissons à la neige et des liqueurs de toutes sortes à cette troupe, il se fit tout d'un coup un tumulte singulier. C'était un gentilhomme que les halbardiers du roi d'Espagne empêchaient, à grands coups de hampe, d'aborder jusqu'au carrosse de l'évêque de Pampelune et qui, les habits en désordre, la fraise à demi déchirée, cherche vainement à tendre à son éminence une pétition que le marquis de Mondejar, touché de sa figure, finit par prendre. En ce moment-là même, le comte de Saint-Aignan courut vers ce gentilhomme, qui était à pied, et le reconnaissant pour un de ses amis, il le fit monter dans le carrosse de l'évêque. Tout cela avait été fait si prestement que, malgré leur bonne volonté, et quoique à demi étouffée elle-même par la foule, Concha et Suzanne n'en purent rien voir. Mais le cortège passé, elles avisèrent un homme que la foule entourait, c'était le chevalier de Charny. Gabriel poussa un cri et se cacha précipitamment derrière la comtesse. La figure de Charny était pâle, ses lèvres violettes et contractées par la rage. Il était sans épée et chacun de ses gestes indiquait assez son trouble. « Fuyons, madame la comtesse, fuyons !» murmura Gabriel en cherchant à entraîner la comtesse par l'issue que leur offrait le jardin. « Regagnons votre hôtel, dont vous pouvez disposer en maîtresse à l'heure qu'il est. Sauvez-moi de la colère du chevalier !» Monsieur de Charny, sans avoir vu ces deux figures qui l'intéressaient si vivement, arrivait en effet de leur côté en roulant çà et là des yeux hagards. Le biais de la jeune fille qui lui apprenait sa fuite, moins que le dépit d'avoir manqué son rendez-vous, causait seul de son agitation. Le chevalier était dans un de ces moments où l'on ne réfléchit pas. À peine levé et rencontrant sur le pied de son lit les quelques lignes tracées par Suzanne, il avait bondi comme un lion, car au fond du cœur, Charny aimait la jeune fille. Le billet de Suzanne contenait ses seules paroles. « Adieu, chevalier. Je vous quitte et pour toujours. Rien au monde ne saura me retenir. Vous ne m'aimez plus. Je vous laisse à votre espagnol. N'espérez pas me revoir. D'aujourd'hui, je me retire dans un couvent. » Éperdu, hors de lui, le chevalier avait senti pénétrer dans son cœur un fer plus froid que ne l'eût été celui du duc. Il avait enfoncé sa porte, interrogé les gens de l'hôtel, mais nul ne se rappelait avoir vu sortir son ami. Ce fut alors qu'apprenant l'arrivée du roi par l'express de Médina, et voyant tourner au coin de sa rue le carrosse royal et celui de l'évêque de Pampelune, il était venu en idée à Charny de solliciter un ordre de ce prélat pour faire arrêter Suzanne dans le premier couvent où elle irait se présenter. Dans cet écrit rapide, le chevalier réclamait la fugitive comme sa femme. Maintenant, on vient de voir par quel hasard inopiné le comte de Saint-Aignan, qui se trouvait seul dans le cortège royal à connaître Charny, lui avait facilité l'accès du prélat. Quand le chevalier descendit de ce carrosse, sans s'inquiéter de tous les regards attachés sur lui, il tenait en main l'ordre de l'évêque de Pampelune. Son front abattu s'était relevé, et il espérait que le jour ne se passerait pas sans qu'il retrouvât celle qu'il cherchait. Alarmé de son courroux, et ne se sentant pas le courage de l'affronter, la jeune fille se vit prête à confier le secret de son déguisement à la comtesse, mais en ce moment aussi une sorte de pudeur instinctive la retint. Elle se contenta de demander à Concha asile dans sa maison pour cette journée, affectant, disait-elle, de craindre la colère de Charny dont elle connaissait les emportements. Ravi d'être utile à un si joli cavalier, un jeune homme qui a si bien pris mes intérêts, répondit la comtesse en l'introduisant elle-même par une des portes dérobées de sa maison, sans que nul autre que le pape qui les suivait pût alors les apercevoir. Vous êtes sous ma protection, mon gentilhomme. Mais Dieu me pardonne, vous tremblez comme une femme. C'est que je me reproche d'avoir mal fait, murmura-t-elle. Oui, je vous ai sacrifié le chevalier. La comtesse interpréta en sa faveur ce qui n'était qu'un regret violent de Suzanne, et lui montrant une chambre qui donnait sur les jardins. À ce soir, dit-elle, et reposez-vous sur ce lit, mon jeune cavalier. J'ai moi-même besoin de calme, et je vais en faire autant.